Sors la belle vie, ça y est, ça m'a gavé. Je me noie dans les problèmes comme s'il en pleuvait. Je croise les keufs, ils voulaient juste la toffe, ils m'ont bluffé. Poussé au ski, c'est pas dans la coque qu'on va surfer. Sors une location, je suis Kenya mariage. Ferait-il compteur sur le bateau carré nage. Cette fille est bien là, combien au kilométrage. Pas beaucoup à savoir qui lui mettra. Parano ou j'en fais trop. Maintenant tu peux canner simplement parce que t'en sais trop. Voiture chelou dans le rétro. J'suis parano ou j'en fais trop. Maintenant tu peux canner simplement parce que t'en sais trop. Dans la belle, la gaze de la LV. Tous les jours le charbon tu vis en sachant que tu vas te perdre. On a plaqué une Clio wow, en SRV. J'ai perdu ma basket sans casque. J'aurais pu perdre ma sœur. Je vois si le shit est bon à l'odeur. Lui je l'aime pas c'est un brouteur. J'envoie des sons à tout heure. Je peux me croiser en scooter. Moi je porte pas les tubeurs. Moi je porte pas les tubeurs. Je donne une vie de blessé. Pourquoi stresser. J'ai dit que j'ai blessé sinon. C'est comme s'il y avait un décès. Je vais monter au poulet. C'est toi qui décide. Toi tu sais tout. Si on t'écoute tu es invincible. Mais là où je récite. Je dirais même que t'es invisible. Quand y'a les chouettes partout, c'est qu'à Marseille, ça crippe. Dans ce cœur au cabre, c'est pas mon arrivant crabe. Ça ignore pas grave, bientôt c'est l'heure des braves. Bravo.